La malle de Simbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Julie à la technique. Infos, bibliographie et podcasts sur le site internet de Radio Culture. مرحبا بكم في برنامج صندوق سندباد. Bienvenue à vous dans l'émission La Malle de Sindbad. Bonjour Julie. Bonjour Sébastien. Nous avions promis une émission spéciale où vous pourrez écouter en intégralité El Atlal, les ruines du campement, souvenez-vous. Eh bien, El Atlal, c'est donc ce morceau de 1966. Je vous rappelle que les paroles sont d'Ibrahim Nagy, Kalimat Ibrahim Nagy, et paroles qui ont été arrangées par Ahmed Rami. Ahmed Rami qui, souvenez-vous, écrivait déjà pour Oum Kalthoum en 1926, 40 ans auparavant. Et la musique est de l'immense Riyad Essoumbati. Ce sont l'Atlal. L'histoire est assez simple. C'est une manière de cantique des cantiques, le Shir HaShirim, où vous avez un chassé-croisé entre l'amoureux et sa bien-aimée, ou plutôt la bien-aimée et l'amoureux. Et on va donc écouter cette version intégrale, El Atlal, 1966. Bonne écoute, Ma'assalam. Thank you. Thank you. Thank you.

Love it.